Le comité de souvenir du grand leader Kim Il-sung est constitué le 29 juin au Parti pour la paix et l'unité de Russie. Le comité du Parti progressiste du peuple du Nigeria à la mémoire du président Kim Il-sung le 28 juin, ainsi que le comité de l'Afrique du Sud pour le souvenir du camarade Kim Il-sung le 30 juin. Les comités ont décidé d'organiser solennellement les cérémonies politico-culturelles comme séminaires sur les exploits, conférences et expositions de photos à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du président Kim Il-sung à l'occasion du 22e anniversaire de son décès. Par ailleurs, la cérémonie de constitution du comité malaisien de souvenir du président Kim Il-sung a eu lieu le 29 juin à Kuala Lumpur.